portée par la voix trop claire des arbres du vent. Et mes yeux ce soir brûleront sans trêve d'alcool et de colère. Un battement de